professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est l'histoire particulière de Delhi? Comment est-elle devenue une ville capitale à l'époque moderne? Comment a-t-elle été plus ou moins abandonnée? Où est la ville contrôlée et celle des artistes et des artisans? Quel centre intellectuel a été cette capitale intermittente de l'Inde jusqu'à New Delhi? Sanjay Subramaniam, qui est né à Delhi, mais qui a grandi en partie à Bangalore, une cité idyllique qui est devenue selon lui une horreur écologique, depuis la chaire d'histoire globale de la première modernité au Collège de France où il est professeur invité depuis 2013, nous entraîne en Inde du Nord dans sa ville natale. Mais ici, il n'est point question de New Delhi, bien sûr, nous découvrons la Delhi des forteresses et une ville neuve construite en 9 ans au XVIIe siècle, voulue par Shah Jahan en 1637-1638 et fondée l'année suivante. C'est à Delhi que Sanjay Subramaniam s'est formé. Dans son recueil d'articles « Leçons indiennes, itinéraire d'un historien Delhi, Lisbonne, Paris, Los Angeles », le chercheur polyglotte qui s'est mis au service d'histoire connectée transfrontière rappelle, et je le cite, « J'ai débuté comme historien des échanges et du commerce dans une certaine tradition, celle de la Delhi School of Economics. » Mais si vous regardez mon premier livre, « La politique économique du commerce », j'y luttais déjà pour trouver une manière d'élargir l'horizon de l'histoire des échanges. La bataille pour moi, tout au long de ma carrière, a donc été d'élargir mes horizons et de chercher à comprendre comment des gens ayant d'autres formations et traditions intellectuelles que la mienne avaient tiré profit de leurs sources. Il s'agit pour lui d'aller au-delà de l'approche stéréotypée des 8 villes de Delhi. Sanjay Subramaniam nous fait entrer dans cette ville où cohabitent musulmans et non-musulmans grâce à un texte de François Bernier qui y a séjourné entre 1660 et 1665. Cet auteur évoque une ville toute neuve où les ruines ont servi à bâtir la nouvelle Delhi au bord d'un fleuve qu'il compare à la Loire. Les forteresses portent les influences afghanes et les Moghols qui ne cessent de construire des bâtiments, même quand ils ont abandonné un temps Delhi comme capitale, gardent pour la ville un rapport sentimental. Lieu saint, entre forteresses et nécropoles, ville contrôlée avec sa grande mosquée, son grand centre soufi et ses belles maisons de nobles, son temple sikh, mais aussi sorte de lieu de mémoire pour les auteurs, Delhi qui inspire de nombreux textes, offre aussi la vision d'un centre intellectuel et de quartiers joyeux où se côtoient musiciens, danseurs et artisans. Quel rôle joue l'État moghol pour développer la ville? Quel est celui des marchands, des bourgeois? Trop de monde au XVIIIe siècle, comment la cité gagne-t-elle sur les alentours? Et pour savoir pourquoi Sanjay Subramaniam, évoquant le projet de départ d'une ville encerclée et très bien définie, nous laisse finalement avec la question de savoir si c'est la région qui a conquis Delhi, gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 15 février 2017 pour le cours de Sanjay Subramaniam, les plaques tournantes de l'histoire globale 16e-18e siècle, carrefours et lieux de rencontre, aujourd'hui Delhi. Aujourd'hui, je passe à une autre ville, une ville qui a été beaucoup moins discutée, à vrai dire, qu'Istanbul, mais qui reste néanmoins une ville très importante. C'est la ville de Delhi. C'est la ville de Delhi, vue de l'autre côté, donc vue de ce que serait Shadra, l'autre rive de la fleuve Jamna. Il y a, vous voyez, le pont fait par les bateaux. Il y a cette petite forteresse-là, je vais y revenir, qui était en fait la forteresse de départ, qui existait avant même la création de cette ville. Et cette forteresse, d'ailleurs, existe toujours, sauf que les transformations qui ont eu lieu ont fait en sorte que maintenant, si on prend la route pour aller du sud vers le nord, en fait, on passe par là. Et la forteresse est donc passée à l'intérieur de la route. C'est ce qu'on appelle Salimgarh. Et je vais revenir justement sur cette forteresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ville? Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule ville de Delhi, ça on sait. C'est en quelque sorte l'avant-dernière ville de Delhi, pour ainsi dire. La dernière ville étant donc la ville coloniale créée par les Britanniques, surtout au début du XXe siècle. Mais c'est une ville donc qui a une forme relativement compacte, mais aussi une histoire qui est assez particulière. C'est une ville qui a été créée à peu près en 10 ans. Donc, ça a été créé en tant que ville fortifiée. Et vous voyez la forme que ça a. Ce n'est pas une forme régulière, mais c'est une forme où il y a ici donc la fleuve, puis l'enceinte. Il y a donc les portes, et c'est ponctué par des portes à quelques intervalles. Bien sûr, parmi ces portes, il y a la porte qui mène vers Agra, mène vers le sud, ce qui était appelé donc à l'époque l'Akbarabadi Darwaza, la porte d'Akbarabad, Akbarabad étant Agra, mais aujourd'hui on se trompe en l'appelant la porte de Delhi. Bien sûr, ça n'a aucun sens d'avoir une porte dans le mur de Delhi qui s'appelle la porte de Delhi. Parce que normalement, les portes font référence à une direction. Par exemple, on aura donc le port de Lahore, on a le port de Cachemire qui mène vers le nord, et ainsi de suite. Et puis, il y a quelques portes qui ont des noms un peu plus mystérieux normalement, qui sont liés avec des personnalités ou des sites qui existaient avant même l'existence de cette ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ville? Alors, cette ville est placée d'une façon assez particulière par rapport à un certain nombre de villes qui ont servi de capitale pour les Moghols ou qui auraient pu servir de capitale pour les Moghols, mais finalement, pour une raison ou une autre, ont été écartées. Donc, les Moghols sont venus, ils ont fait la conquête de l'Inde du Nord dans les années 1520, et la ville qu'ils ont choisie au début, c'était donc la ville d'Agra. Puis, pendant un certain temps, ils ont aussi été à cette ville qui a été vite abandonnée, qu'ils ont créée dans la deuxième moitié du XVIe siècle, la ville de Fatehpur Sikri. Ils ont aussi utilisé pendant un certain temps comme capitale Lahore, mais ça n'a pas marché parce que c'était trop près des frontières et donc c'était trop risqué en quelque sorte. Ce sont des villes qu'ils ont utilisées. Ils ont aussi parfois utilisé la ville d'Aurangabad comme espèce de capitale, pas tout à fait. Mais il y a aussi quelques puzzles chez les Moghols. Par exemple, on peut se demander pourquoi les Moghols ne sont pas allés plus loin dans la vallée du Gange pour choisir une ville capitale. Et si on avait fait ça, par exemple, il y avait deux possibilités. L'une qui était vite écartée, c'était Benares, parce que c'était une ville qui était un peu trop compliquée du point de vue de l'histoire religieuse. Mais puis, il y avait quand même la ville d'Allahabad qu'ils auraient pu choisir. Ils ont même pensé à ça, apparemment, mais finalement, ça a été abandonné comme idée. Et Delhi est donc restée cette ville devenue ville capitale, et puis finalement, à cause de ça, ça a même eu une influence sur la longue histoire politique de l'Inde jusqu'à aujourd'hui. Et en quelque sorte, c'est ce choix fatidique qui a été fait dans les années 1630 qui, en quelque sorte, qui marque l'Inde du Nord jusqu'à nos jours. Alors, donc, c'est quoi ce projet? Ce projet, c'est donc, c'est à l'époque de l'empereur Shah Jahan qui a commencé à régner à la fin des années 1620. Au début, il régnait à partir de la ville d'Agra. D'ailleurs, il a toujours eu un rapport un peu particulier à la ville d'Agra, on le sait, parce que, entre autres, il est enterré là-bas. Mais apparemment, quelques années après avoir monté au trône, il a commencé à trouver que la ville d'Agra était trop limitée, trop petite. Il n'y avait pas la possibilité vraiment d'une expansion. Et donc, à partir de 1637-1638, il y a les débuts d'un nouveau projet, c'est de fonder une nouvelle ville. Cette ville est donc fondée techniquement en 1639, et on va prendre à peu près 9 ans pour construire la structure essentielle de la ville. Donc vous voyez, c'est une histoire tout à fait différente par rapport à l'histoire d'Istanbul, où en fait on a pris la capitale byzantin et on l'a transformé, bien sûr, mais en gardant quelques éléments très importants de la structure, même si, par exemple, on a, bien sûr, construit le Kutub Kapısaray, qui était dans un autre endroit que là, par rapport à là où était le palais byzantin, on a vu ça. Mais alors là, on commence un peu comme ça, ab initio. Et ça va prendre donc à peu près une décennie pour construire la ville. Et le 19 avril 1648, il y a donc l'entrée formelle de l'empereur dans la ville pour s'y installer. Et donc, à partir de ce moment-là, pendant à peu près un siècle et demi ou presque deux siècles, cette ville va rester, pas incontestablement, mais quand même plus ou moins la ville capitale de cet empire. Alors, en tant que capitale de cet empire, donc, c'est une ville qui va attirer beaucoup de voyageurs, beaucoup de témoins, et donc je vais parler d'un certain nombre. On est vraiment gâté pour le choix. On a énormément de récits de voyage, des gens qui sont passés par cette ville-là. Je vais juste passer un peu de temps avec un de ces voyageurs qui est très connu. C'est donc le médecin français François Bernier qui a été formé à Montpellier et qui a un petit rapport avec cette maison, comme il était un des élèves préférés de Pierre Cassanti, qui a été donc professeur au Collège de Rouen. Alors, Bernier, qui a passé donc 5-6 ans à Delhi dans les années 1660, qui nous a laissé une belle description de la ville. Et puis, je vais vous expliquer un peu la suite. Il y a une série d'incidents. La ville est donc assiégée et il est aussi attaqué. Il a pris quelques fois au cours du 18e siècle. Et finalement, en 1803, on passe pas totalement sous le contrôle britannique, mais plus ou moins parce que la Compagnie des Indes, en 1803, va installer un agent britannique à Delhi. Et là, c'est le début de la transformation de la ville en ville coloniale. Mais donc, on a à peu près, disons, 175 ans ou quelque chose comme ça entre la fondation et ce moment. Alors, regardons donc cette ville. Ça, c'est bien sûr une gravure qui nous vient du 19e siècle, mais les éléments sont plus ou moins stables à quelques détails près. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit, donc tout d'abord, on revient sur cette petite forteresse-là, c'est Salimgarh, mais puis il y a à côté le Fort Rouge, et qui donne donc sur la fleuve, voici le Jamna, il y a le quartier qui s'appelle le quartier de la fleuve, Daryaganj. Mais puis, il y a l'axe principal qui va donc plus ou moins dans la direction, disons, sud-est-nord-ouest, qui mène vers la porte de Lahore. Et puis, il y a ici un quartier avec quelques belles maisons, des nobles, etc. Il y a ici quelque chose qui est assez crucial, c'est la grande mosquée. Donc, en quelque sorte, la ville est construite autour de cet axe, puis il y a cet axe transversal diagonal qui mène vers la mosquée. Il y a aussi, bien sûr, des mosquées à l'intérieur de la forteresse, mais ça, c'est la mosquée principale, qui est la plus grande mosquée en Inde. Donc, qui a été fondée, la mosquée, après l'entrée du roi dans la ville. Donc, c'est à partir de 1649, quand Shah Jahan s'est installé dans la ville, qu'il a commencé la construction. Et puis, il y a toute une série d'autres éléments sur lesquels on peut revenir, c'est-à-dire, par exemple, il y a des jardins et les autres endroits à l'extérieur, et ainsi de suite. Alors, commençons donc avec la description de Bernier. Donc, Bernier, qui est là, comme je vous ai dit, dans les années 1660, la ville est vraiment toute neuve à l'époque. Et il le dit. Et donc, il se trompe un peu sur la chronologie. Il dit, il y a environ 40 ans, en fait, c'est beaucoup moins que 40 ans. Il y a environ 40 ans que Shah Jahan, père du grand mogol Aurangzeb, régnant en présent, pour éterniser sa mémoire, fit bâtir une ville contiguë à l'ancienne Delhi. Donc, il fait référence au fait qu'il y avait une ville là avant. Et on va justement revenir sur cette ville qui était là avant. Il la nomma de son nom Shah Jahanabad et par abréviation Jahanabad, qui veut dire colonie de Shah Jahan. Et la destina pour être la capitale de l'empire au lieu d'Agra, où il disait que les chaleurs de l'été étaient trop violentes. Ça, c'est une raison, mais il y a aussi un problème d'expansion de cette autre ville. Cette proximité a fait que les ruines de l'ancien Delhi ont servi pour bâtir la nouvelle ville et qu'il ne se parle presque plus dans les Indes de Delhi, mais seulement de Jahanabad. Néanmoins, comme la ville de Jahanabad n'est pas encore connue chez nous, j'en parlerai sous l'ancien nom de Delhi que nous l'est davantage. Delhi, donc, est une ville toute nouvelle, il le dit, hein, située dans une rase campagne sur le bord d'un fleuve comparable à notre Loire, hein, qu'on appelle le Jamna, et bâtie de telle manière le long d'un seul côté de la rivière qu'il n'y a qu'un point de bateau pour passer dans la campagne, qu'elle vient à peu près à se terminer en croissant. Et donc, il va continuer en décrivant le fait qu'il y a aussi, pas seulement cette ville, mais il y a quelque chose qu'il appelle les faubourgs, et c'est justement cet aspect-là que je vais développer. Et donc, il nous dit qu'avec les faubourgs, en fait, cette ville devient plus grande. On a estimé que, donc, fondée dans les années 1630-40, mais si on est à peu près en 1680, la ville aurait eu à peu près 400 000 habitants. Donc, ça veut dire que c'est plus petit que Istanbul à l'époque. C'est presque la moitié d'Istanbul à l'époque, mais à l'échelle des grandes villes européennes qu'on a vues, c'est quand même une ville qui est assez grande et c'est quand même beaucoup plus grande, par exemple, par rapport à Lisbonne qu'on a vue. Alors, et il le dit à la fin, et je puis dire assurément qu'elle serait d'une prodigieuse grandeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur la façon dont cette ville, en quelque sorte, ce site a été choisi pour créer cette ville? Vous voyez ici, ça c'est un plan moderne où il y a la ville de New Delhi, qui n'existait bien sûr pas à l'époque, mais vous voyez en fait ce qu'on appelle, plus ou moins et d'une façon stéréotypée, l'histoire des huit villes de Delhi. Donc, c'est-à-dire, c'est l'histoire de la transformation de Delhi. Et je vais vous montrer en fait qu'il y a une espèce de mouvement systématique. Alors, la première ville, c'est vers l'extrême sud. C'est plus ou moins dans la région de ce qu'on appelle Mehrauli. Et ça, c'est la ville fondée autour de 1200, au moment de la première conquête de la région par les musulmans. Ici, il y a quelques ruines maintenant, mais il n'y a pas énormément de choses. À une chose près, en fait, qui reste un monument très important dans cette région de Mehrauli, qui était en fait un centre soufi. Et je vais revenir justement sur ce centre-là. Puis, les rois successifs et les dynasties successives sont partis de là, donc déjà au XIIIe siècle, XIVe siècle, on va vers Syrie, puis toujours au XIVe siècle, on va redescendre vers le sud, vers Toghlaghabad. On revient ici, donc XIVe siècle, à Jahanpana, et puis on monte, et là, en fait, c'est la direction en général, c'est-à-dire tous ces endroits étaient assez loin de la fleuve. Donc, en fait, ils ont été choisis parce que, en quelque sorte, ils dominaient la plaine. Ils étaient plus élevés par rapport à la plaine. Mais en fait, le mouvement, en général, c'est en direction de la fleuve. On cherche la fleuve. Donc, vous voyez qu'à partir du XIVe siècle, on va monter là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la ville de Feroz Shah, de Feroz Shah Toghlok. Mais puis, on va rester plus ou moins dans cette région. Dans cette région qui reste une espèce de premier cœur de la ville, et surtout de la ville qui est, à partir du XVe siècle, c'est plus dominé par les dynasties turques, qui étaient les dynasties qui avaient donc pris la région au XIIIe siècle. Maintenant, au XVe siècle, on est sous domination afghane, et les Afghans ont donc toujours choisi plus ou moins cette région, aussi bien pour leur forteresse et pour leur nécropole. Donc, par exemple, le choix des Afghans pour leur nécropole était dans une région qui était appelée au XVe siècle le Bagh-e-Jor. Maintenant, on l'appelle Jor ou Jor Bagh. Et alors, c'est là où on trouve le nécropole, ce qu'on appelle aujourd'hui le jardin Lodi, mais ce jardin est créé dans les années de 1930. Mais le nécropole existait bel et bien avant. Alors, cette région-là, donc, c'est choisi, et pour une raison assez intéressante, il y a donc la proximité de la fleuve, mais il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut, tenir en compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend quand on regarde le moment juste après la conquête moghole. Les Moghols, donc, arrivent dans la région dans les années 1520. On a une petite description de Delhi dans les mémoires de Babur, qui était le premier conquérant moghol de cette région, où il nous fait une description des quelques jours qu'il a passé à Delhi. Et dans ces quelques jours qu'il a passé à Delhi, en fait, il a effectivement fait deux choses. Il a regardé les forteresses des Afghans. Et qu'il ne l'a pas très bien décrit, mais on peut soupçonner, en fait, où était, en effet, la forteresse la plus importante. Mais la deuxième chose qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a pris Delhi comme une espèce de lieu saint. Et, en fait, on voit que ce qui est très important pour lui, c'est de passer dans des lieux saints pour faire une espèce de pèlerinage. Donc, il le prend comme un endroit de pèlerinage. Et je vais revenir justement sur les sites de pèlerinage pour lui. Alors, lui, en fait, par la suite, il va s'installer à Agra, il va mourir à Agra. Puis, bon, il y a une histoire de comment on va ramener son corps à Kaboul. Mais Delhi n'est pas très important pour lui. Mais c'est son fils, donc, son fils Humayun, que vous voyez ici dans le portrait imaginaire où il y a Timur avec Babur et Humayun. Alors, son fils, dans les années 1530, qui va donc prendre l'initiative de construire une version de ville capitale à Delhi. Et quel est l'endroit qu'il choisit? C'est cet endroit-là. Et il l'appelle donc Din Pana, le refuge de la foi, de la religion. Et maintenant, ça a été démontré, je pense, plus ou moins, de façon plus ou moins convaincante, qu'il a construit une forteresse sur une forteresse qui existait, une forteresse afghane qui existait déjà auparavant. Et on peut en fait deviner ça en regardant de très près le Baburnama, le livre de Babur, où il parle de comment il avait visité la forteresse des Afghans. Et manifestement, c'était très, très proche de cet endroit. Cet endroit, c'est, aujourd'hui, on ne l'appelle pas Din Pana, on l'appelle la vieille forteresse, Kailai Kohana. Hein, et c'est donc ce qui reste de cette forteresse, avec les quelques bâtiments qui remonte aux années 1540 pour l'essentiel, donc construit dans un style qui n'a pas grand-chose à voir avec les styles moghols qu'on reconnaît. C'est beaucoup plus lié avec les styles afghans. Et c'est aussi parce qu'en partie, Humayun avait été déplacé par un seigneur de guerre afghan pendant un certain temps. Donc, en fait, c'est une espèce de forteresse mixte avec des éléments venant d'horizons assez différents. Alors, puis, on le sait, la ville de Delhi est abandonnée. Pas totalement, mais elle est plus ou moins abandonnée parce que les Moghols vont vers Agra. Ils vont donc laisser tomber Delhi pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc, on avait construit cette forteresse. Le roi, d'ailleurs, Humayun, on dit qu'il est mort là-dedans. On n'est pas tout à fait sûr, mais on sait qu'il est tombé dans les escaliers de sa bibliothèque. Donc, ça se peut que c'était le bâtiment où il avait gardé ses livres en revenant d'un exil. Mais en tout cas, il est mort là-bas. Puis, son fils a décidé qu'il voulait partir et reprendre la ville d'Agra. Et donc, il a plus ou moins laissé tomber Delhi pendant un demi-siècle ou même plus. Mais la ville de Delhi, comme je l'ai dit, n'a pas été totalement abandonnée. Parce qu'il y avait toujours manifestement une espèce de rapport sentimental dans la tête des Moghols qui liait Humayun avec cette ville. Et c'est pour cela que tout en étant à Agra, les Moghols ont choisi donc de construire quelques bâtiments de la deuxième moitié du XVIe siècle dans cette ville. Là, vous voyez ce qui est considéré par beaucoup comme le premier très très grand monument moghol de l'Inde. Et ça, c'est donc à Delhi et c'est le tombeau de Humayun. Le tombeau de Humayun que vous voyez ici, avec quelques autres bâtiments autour qui appartiennent à la famille des Sourds. Il y a aussi, pas très loin, un autre tombeau qui est d'un courtisan très important de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, Abdurrahim Khan et Khanan. Donc vous voyez qu'on a continué à investir Delhi pour certains besoins, mais tout en gardant ses distances par rapport à cette ville. Comme je dis que le tombeau de Humayun est considéré comme un des plus beaux monuments du premier temps des Moghols construits en Inde. Alors, Delhi, toujours un peu à l'écart. Puis, il y a ce mouvement, finalement, de Shah Jahan pour revenir vers Delhi. Pour comprendre, en fait, globalement, pourquoi ça s'est fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est-à-dire qu'il y a toute une tradition d'écrire sur Delhi. Il y a une tradition intellectuelle. Vous voyez qu'on avait discuté dans le cas d'Istanbul cette tradition qui remonte jusqu'à nos jours avec quelqu'un comme Orhan Pamuk qui garde une espèce de rapport très particulier, très sentimental par rapport à cette ville. Et alors, il y avait aussi un rapport que un certain nombre d'intellectuels avaient justement en prenant Delhi comme, en quelque sorte, leur lieu de mémoire, pour ainsi dire. Et ça, c'est peut-être le texte le plus important pour nous aujourd'hui. Et c'est un texte qui a été écrit par un personnage assez curieux, qui a eu une espèce de double vie. Il a commencé au XIXe siècle comme un intellectuel très traditionnel. Il s'appelait à l'époque Sayyid Ahmad, ou Sayyid Ahmad Dehlavi, de Delhi. Puis, il a eu un moment un peu décisif dans sa vie, un peu son chemin de Damas, où il a décidé d'abandonner tout ce qui était traditionnel et il est devenu résolument moderniste. Et donc, en quelque sorte, il est considéré comme le père du modernisme islamique en Inde. Et là, il a aussi fait en sorte qu'il ne l'appelait plus Sayyid Ahmad, mais Sayyid Ahmad Khan. Donc, il a aussi pris ce titre. Et puis, il devient, comme Sayyid Ahmad Khan, il devient le plus grand intellectuel musulman de l'Inde de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais dans ce premier moment de sa carrière, il a écrit un livre très important qui s'appelle donc Asar al-Sanadid. En fait, le titre vient d'un poème d'un grand poète iranien qui a migré en Inde à la fin du XVIe siècle, qui s'appelle Urfé Shirazi. En fait, c'est un poème qui dit quelque chose dans le genre « Quand je vois les ruines des villes, je comprends les grands faits des héros d'antan de la Perse ». Vous voyez, donc, on regarde les ruines pour avoir un sens de sentiment de fierté par rapport à son passé glorieux. Et donc, il a pris exactement ça, mais il ne parle plus des héros de la Perse, mais plutôt de Delhi. Et donc, il dit, en regardant les ruines de Delhi, moi, je pense à ce qu'était la gloire de cette ville et bien sûr de cette culture. Et voilà, donc, c'est un livre qu'il a publié en deux versions, avec des gravures, avec pas mal de choses. Et c'est vraiment un livre, à la fois un livre sentimental et un livre savon. Parce qu'il s'est promené dans la ville, il avait fait la collecte des légendes, il a aussi copié partout où il voyait des inscriptions, il les a copiées. Il a aussi copié pas mal de choses ayant à voir avec les proverbes de la ville et ainsi de suite. Alors bien sûr, il y a aussi une historiographie moderne portant sur cette ville. Et en fait, en quelque sorte, pour nous, il faut jouer entre cette historiographie et cette littérature traditionnelle dont le comble, c'est le livre de Sayyid Ahmad, et cette historiographie qui nous vient surtout de la fin du XXe siècle. Je cite que deux ouvrages, il y a un certain nombre d'autres. Ça, c'est l'ouvrage toujours reconnu comme l'ouvrage principal, en quelque sorte, malgré ses quelques faiblesses, portant sur la ville d'un Américain, historien américain Stephen Blake, qui est une espèce d'interprétation de la ville totalement weberienne. Donc, en fait, il puise dans la ville de Max Weber, il essaie de calquer le modèle weberien sur cette ville, en l'appelant donc une ville patrimoniale. Donc, vous voyez, on avait la ville donc patricienne, on avait la ville plébéienne, et là, il nous appelle à aussi inventer cette espèce de catégorie néo-weberienne de ville patrimoniale, où, en effet, pour lui, la ville est totalement dominée par l'État. C'est l'État qui donne les règles pour le fonctionnement de la ville. Et puis, on a un autre livre qui est beaucoup plus large dans sa géographie, qui parle de Delhi, mais qui parle aussi beaucoup plus des villes de l'Inde du Nord plus à l'Est, mais où il y a une approche qui est assez différente. Ce n'est pas un livre très théorique, mais il y a un peu, en filigrane, on peut en fait comprendre que ce que fait Christopher Bailey, ce grand historien anglais de la fin du XXe siècle, c'est en fait de partir d'un autre point de vue, c'est-à-dire il considère la ville comme essentiellement une ville qui est créée par ses citoyens et surtout par ses marchands. Donc, si vous voulez, là, c'est la ville vue de haut en bas. Donc, la ville dominée par l'État et puis structurée par les États. Bien sûr, il y a des autres éléments qui viennent remplir la ville. Tandis que pour Bailey, pour l'essentiel, en fait, la ville est construite en quelque sorte de bas en haut, en tout cas de la couche, pas tout à fait en bas, mais la couche moyenne qui est la couche bourgeoise, la couche des marchands. Et puis, l'État existe pour négocier avec, mais ce n'est pas l'État en quelque sorte qui est déterminant pour faire ni la structure ni le rythme de croissance et de décroissance des villes. Donc, vous voyez deux approches assez différentes. Il n'y a pas eu de grand débat entre les deux, mais en tout cas, c'est deux références à retenir. Donc, revenons sur cette ville de Shah Jahan. Donc, Shah Jahan a décidé, en quelque sorte, de déplacer le centre encore plus vers le nord par rapport à où on était dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Vous voyez que, en fait, c'est plus ou moins ici que se trouve la ville de Humayun et des Afghans du XVIe siècle. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cet endroit? Apparemment, en fait, même dans cette époque, quand les Moghols n'étaient plus basés à Delhi, ils venaient là faire des visites. Ils venaient là faire des visites pour trois raisons. Premièrement, bien sûr, l'empereur Akbar venait de temps à autre faire l'inspection du tombeau de son père, quand c'était sous construction, mais même quand ça a été achevé, il venait là comme fils qui était en quelque sorte dans ce rapport un peu compliqué avec son père, mais néanmoins, il a considéré ça comme, pas exactement comme un lieu de pèlerinage, mais quelque chose dans le même genre. Ça, c'était une première raison. Il y avait une deuxième raison, c'est-à-dire souvent, quand on faisait le chemin d'Agra pour aller vers Lahore, on passait par Delhi. Donc, c'était une deuxième raison. Et là, c'est intéressant de voir qu'on venait ici, justement, dans cet endroit-là, qui était la petite forteresse. Et ça, c'est la forteresse qui a été donc créée par les Afghans au milieu du XVIe siècle. Et ça s'appelle Salimgarh. Mais en fait, c'est une déformation, parce qu'en réalité, c'était Islamgarh. Car ça porte le nom d'Islam Shah Sur, qui était le roi dans les années 1540, début des années 1550. Et ça, donc, c'était l'endroit qu'on utilisait comme point de passage, et c'est à partir de ce point de passage donc, qu'on va songer à créer cette ville. Troisième raison, la région de Delhi était considérée comme une grande région de chasse. Donc, on utilisait ça aussi comme base pour partir ce qui était plus ou moins la région de Palam, pour faire de la chasse, et il y a quelques loges que les Moghols ont construites dans ces régions de chasse. Il y a aussi un monument extrêmement bizarre, qui est une espèce de minaret inachevé, très, très, très grand, qui est une espèce d'imitation du minaret qui a été construit au sud de Delhi, et donc qui date de la première moitié du XVIIe siècle. Le Collège de France et France Culture vous présente Sanjay Subramaniam, les plaques tournantes de l'histoire globale à l'époque moderne, carrefours et lieux de rencontre, aujourd'hui Delhi. Alors donc, on construit cette ville. Et on peut partir pour analyser cette ville de plusieurs points de vue. Prenons pour l'instant le point de vue de Blake, hein, c'est-à-dire l'idée qu'il faut voir cette ville en quelque sorte de haut en bas, du pied de trône, pour ainsi dire. Hein. Donc voilà le fort rouge. Le fort rouge qui a une ressemblance générique avec le fort rouge d'Agra, mais en fait c'est assez différent. Ça c'est la porte de devant. Derrière il y a donc la fleuve. Le plan est un peu irrégulier, mais plutôt régulier. C'est très très différent. Vous vous rappelez plus ou moins de la construction de Dovrekapısaray. En fait, c'est très très différent par rapport à ça. C'est beaucoup moins élaboré. Et cette idée, par exemple, de rentrer successivement dans des cours où on est de plus en plus éloigné, on est dans un monde de plus en plus silencieux, on n'est pas du tout dans ce genre de cadre ici. Ici, on est donc dans une première salle de réception, deuxième salle de réception. Derrière, donc, il y a la fleuve, la vue sur la fleuve. Ici, il y a, bien sûr, toute une série d'appartements pour l'harem, bien sûr, mais aussi pour les princes. Et en fait, on va aussi, à la fin du XVIIIe siècle, commencer à utiliser une partie de cette forteresse en tant que prison pour enfermer les princes, parce qu'on n'a pas envie que les princes sortent trop. Et c'est aussi progressivement, on a aussi cette idée que s'il y a des guerres de succession qui sont trop sanglantes, il faut toujours avoir des princes en réserve. Et donc, c'est mieux de ne pas laisser partir les princes dans des villes secondaires. Il faut garder donc. Et d'ailleurs, il y a cette phrase qui est utilisée au XVIIIe siècle, justement, et qui est Cae de Salatini, c'est-à-dire le prison des princes. Là où les princes sont donc en quelque sorte gardés dans quelques appartements de l'intérieur du palais. Il peut parfois avoir un arrangement selon lequel il sort en ville, mais ils sont censés revenir avant le coucher du soleil. Et il ne peut pas sortir des portes de la ville. Alors, vous voyez ici une représentation donc assez idéalisée, mais bien sûr avec des éléments qui sont frais, de ce qu'aurait été la présentation de l'empereur dans sa salle d'audience. Il est présenté toujours avec une espèce de comme s'il était une espèce de demi-dieu qui se présentait comme les dieux dans les temples indiens. C'est ce qu'on appelle, donc en utilisant le mot hindi, on l'appelle darshan. Donc c'est le fait de voir et d'être vu. Donc on voit le roi et le roi est censé vous voir. Et c'est dans cet échange de regards qu'il y a cette transaction, qu'il y a quelque chose qui se passe. Encore une fois, on est très, très dans un monde qui est assez stylisé, mais très différent par rapport au monde des Ottomans. Et bien sûr, donc, par la suite, il y a ce système qui s'est développé même avant que les Moghols viennent à Delhi, c'est-à-dire un système hiérarchisé. On peut accéder et des gens qui sont donc le plus près, normalement, ils ont un statut assez particulier. Puis, il y a les nobles. Puis, normalement, il y a des barrières. Et successivement, ceux qui sont à l'extérieur ont un statut de plus en plus bas. Et c'est structuré exactement comme ça. Donc vous voyez un peu ce qui reste de l'endroit. Et bien sûr, ce qui reste n'est pas exactement comme c'était même au XIXe siècle, parce que manifestement, dans les événements du milieu du XIXe siècle, on a aussi enlevé pas mal de choses, des joyaux et autres choses qui étaient là-dedans. Alors donc, il y a une structuration. Il y a bien sûr un certain niveau de formalité, mais c'est beaucoup moins structuré, beaucoup plus ouvert par rapport au système ottoman. Et il y a aussi bien sûr des autres aspects de la forteresse sur lesquels on peut revenir, parce que la forteresse n'est pas exclusivement un endroit où il y a des nobles ou des gens qui sont liés avec le roi. Il y a aussi, par exemple, un espace pour les marchands, c'est bien sûr plus vers l'extérieur de la forteresse. Il y a aussi des gens qui viennent présenter leurs services. On sait par un certain nombre de témoignages qu'on a, par exemple, des médecins, plus ou moins cachers européens qui venaient, souvent sans vraie formation, qui présentaient leurs services au roi, qu'ils étaient donc, normalement, ils étaient là, ils étaient en train de négocier avec les nobles, et avec beaucoup de chance, ils pouvaient rentrer un peu à l'intérieur de la forteresse. Donc, voilà la vue, en quelque sorte, de haut vers le bas. Mais il faut quand même aussi prendre compte du fait que même si on avait par exemple, des mosquées à l'intérieur de la forteresse, il y avait aussi des moments très importants, assez souvent, quand le roi sortait. Le roi sortait en ville, Et en plus, il y avait des nobles qui étaient sans cesse passés en ville parce qu'ils avaient leur maison justement en ville. Et pas mal de ces nobles, en plus, avaient des maisons secondaires dans les alentours. Et je vais revenir justement sur cette question-là. Alors donc, deuxième endroit qu'il faut prendre en compte, c'est la mosquée, la grande mosquée, le Jami Masjid, qui reste, comme je dis, un monument assez imposant, mais un monument qui est donc pas seulement contrôlé par le roi, mais c'est aussi un monument où il y a un certain nombre de choses qui se passent autour. Les muezzins de cette mosquée sont des gens d'une certaine force, d'une certaine importance, qui vont donc imposer leur propre vision aussi de la ville, ou vont essayer en tout cas d'imposer leur propre vision de la ville. Et d'ailleurs, cette mosquée est aussi liée avec la culte d'un des deux grands martyrs de cette ville. Parce que déjà, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, il y a deux personnages martyrisés dans la ville qui ont marqué la vie. Et le personnage qui est là, dans les marges de cette mosquée, c'est quelqu'un qui s'appelle Sarmad. Sarmad, qui était soi-disant un juif converti à l'islam, qui est venu, on dit, probablement des alentours d'Alep. Mais en tout cas, Sarmad, qui est devenu une espèce de soufi un peu fou, ce qu'on appelle un majzoub. Donc, il avait l'habitude, apparemment, de se promener nu dans la ville et raconter un peu sa vision de l'islam un peu hétérodoxe. Et donc, il a été quelquefois menacé par les gardiens de la foi dans la ville et finalement, donc, il a été exécuté. Et puis, donc, on garde un culte de Sarmad dans les marges de cette mosquée. Deuxième endroit sur lequel il y a pas mal de controverses, c'est en fait, on a le palais, on a la mosquée, c'est assez bien marqué, puis on a l'artère qui va vers la porte de Lahore. Donc, si on pense à cette ville, non pas comme une ville qu'il faut prendre toujours de l'eau vers le bas, mais plutôt du bas vers le haut, il y a une autre façon de faire. Et pour faire ça, justement, on a d'autres types de textes. Donc, par exemple, quelqu'un comme Blake, qui a voulu surtout prendre le point de vue, disons, de la ville structurée par le pouvoir royal, il s'est basé en grande partie sur les documents officiels venant de la cour, par exemple, des chroniques ou autre chose. Mais il y a aussi pas mal de textes qui viennent, disons, d'un milieu plus populaire, ou en tout cas d'une espèce de classe moyenne. Et je vous cite donc ces deux textes rapidement. Ce texte-là qui nous vient du début du 19e siècle, écrit par un bourgeois de la ville qui s'appelle Mirza Sangin Beg, Sayer al-Manazil. C'est une espèce de récit de voyage, des promenades qu'on peut faire à l'intérieur de la ville. Donc c'est quelqu'un qui habite dans la ville, mais il est en train de dire à ses concitoyens comment on peut s'amuser en se promenant dans la ville et le genre de choses qu'il faut essayer de remarquer et le genre de choses qu'on peut voir dans la vie populaire aussi de la ville. Mais il y a aussi cet autre texte, ce n'est pas le vrai nom du texte, c'est un nom imposé après, ça s'appelle l'album de Delhi, Muraqa de Delhi. Mais c'est aussi un texte qui vient du 18e siècle, donc c'est un peu avant Sayer al-Manazil. Et là encore, c'est une espèce de time-out ou quelque chose comme ça, de pariscope ou d'héliscope du 18e siècle pour dire comment en fait on peut s'amuser dans cette ville au milieu du 18e siècle, le genre de choses qu'on peut faire pour s'amuser. Et je vais revenir sur le genre de choses qu'on peut effectivement faire. Bien sûr, on parle beaucoup de l'artère centrale, hein, qui est ce qu'on appelle donc le Chandni Chowk. Et là, il y a juste quelques grandes maisons qui restent. Mais c'est quand même là où il y a beaucoup des grandes maisons. Il y a aussi quelques-uns des marchands les plus importants. Et puis, à partir de cette artère, il y a les petites rues, des ruelles, les couchets, comme on les appelle, qui font une espèce de toile d'araignée autour de cette artère. Si on regarde ces autres documents, on voit que, à part la ville contrôlée, à part la ville orthodoxe, à part la ville où on n'aimait pas les soufis qui se promenaient nus, il y avait aussi une autre ville, une ville qui était habitée par des musiciens, par des travestis, par des danseurs, par des gens qui faisaient pratiquer la musique populaire, etc. Comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de descriptions en regardant ces deux textes et même d'autres peintures qui nous donnent une image d'une ville qui est une ville aussi habitée par énormément d'artisans, énormément de gens qui font des choses, parfois liées avec les grandes maisons, de nobles, mais parfois aussi menant leur vie autonome, c'est-à-dire des cordonniers, des tisserands, etc., etc. Alors, la question qui se pose, bien sûr, c'est aussi sur le rapport entre les musulmans et les non-musulmans dans cette ville. Parce que si on dit 400 000 ou 500 000, alors combien de ces gens étaient des musulmans, combien étaient des non-musulmans? C'est très difficile de donner des chiffres. Mais c'est clair que la majorité de la population était composée par des non-musulmans, même dans cette ville. Donc, bien sûr, dans l'Empire, mais même dans cette ville, il est clair qu'il y avait beaucoup de non-musulmans, ce qu'on appellerait aujourd'hui des hindous, mais c'est un mot qui est beaucoup plus ambigu à l'époque quand on l'utilise. Mais on sait aussi qu'il y avait des moments de grande tension entre ces populations musulmanes et non-musulmanes. On a vu même qu'à l'intérieur de la population musulmane, on pouvait avoir des tensions comme autour d'un personnage comme Sarmat. Ça, c'est le deuxième grand martyr de la ville. On a donc construit un temple qui est le Gurdwara Sisganj, qui donne justement sur cette artère principale, sur le Chandni Chowk, et c'est donc un temple sikh. Et ce temple sikh est censé marquer le lieu de martyr de 9e sikh, Guru Tegh Bahadur. Et on dit qu'il a été donc tué sur les ordres de l'empereur moghol parce qu'il était considéré comme quelqu'un de rébellieux, etc. C'est une histoire assez controversée parce que on n'a jamais trouvé de traces de sa mort dans les chroniques moghols. Les moghols n'ont jamais parlé de lui en tant que quelqu'un qui a été puni ou exécuté, mais ça ne veut pas forcément dire que les moghols étaient obligés de raconter l'histoire de chaque personne qui a été tuée par leur justice. Tandis que les sources sikhs sont très insistantes pour dire qu'il y a même deux gurdwaras où on dit qu'il a été brûlé, brûlé après sa mort. En tout cas, il y a donc cette histoire qui remonte dans les années 1670 et c'est donc en quelque sorte le deuxième épisode de martyr qui marque cette ville. Et cette fois-ci, dans la frontière des communautés musulmanes et non-musulmanes. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout était toujours violence et tension entre ces communautés. Il faut aussi garder en tête que dans cette ville, mais surtout dans la région vue plus large, il y avait énormément de lieux qui étaient investis par des éléments de sacralité et qui étaient souvent partagés par les musulmans et les non-musulmans. Et bien sûr, c'est intéressant de voir comment en fait, ce rapport se fait entre la ville fortifiée et puis ces autres endroits qui se trouvaient un peu autour. Je vous ai dit que quand Babur est venu pour la première fois, il est venu visiter la ville presque comme si c'était une ville sainte. Et en fait, il vient là pour regarder la petite forteresse des Afghans, mais surtout pour visiter ce genre d'endroit. Ça, c'est un des premiers grands lieux des soufis dans la région de Delhi. Et c'est vraiment vers le sud, c'est vraiment dans la région de Mehrauli. C'est donc le tombeau de Qutbuddin Bakhtiar Kaki, qui, donc, à la fin du deuxième, début du XIIIe siècle, était un des premiers personnages de l'ordre qui s'appelle l'ordre des Chishtiyas, qui était un ordre particulier, qui était important à l'époque du sultanat. Et en fait, il y a ces trois grands centres de Chishtiyas, celui-ci qui est vraiment vers le sud, puis celui qui est le plus important, c'est celui d'un grand saint Chishti du XIIIe, XIVe siècle. Et en fait, on soupçonne que c'est à cause de lui, en quelque sorte, qu'on a choisi la location du tombeau de Humayun. Parce que c'est vraiment à deux pas. Et ça, c'est donc, en quelque sorte, c'est le tombeau de Nizamuddin qui va déterminer un peu tout cet emplacement autour du tombeau de Humayun, mais avant même la forteresse de Humayun, la forteresse de Lodi, tout cela, en fait, ça fait partie plus ou moins d'un seul complexe. Et puis, il y a le troisième, qui est de celui qu'on appelle la lampe de Delhi, Nasiruddin Charagh Delhi, qui était donc le disciple du deuxième. Ce sont des endroits où même aujourd'hui, et au XIIIe, XIVe siècle, et pendant toute l'époque moghole, en fait, ils étaient considérés comme des lieux saints, pas seulement pour les musulmans, mais pour tout le monde. Et ça, on voit en regardant ces textes, hein, des textes comme le Sair al-Manazil ou l'autre texte, qu'on dit carrément qu'en allant dans ces endroits-là, ce sont des endroits très joyeux, tout d'abord. Il y a beaucoup de musique, on fait la fête. même au moment qui sont censés être un peu solennels. Et puis, il y a des musulmans et des non-musulmans qui se mêlent sans cesse dans ces endroits. Alors, bien sûr, il y a aussi d'autres types d'endroits en dehors de la ville qui vont se développer au fur et à mesure. Donc, vous voyez qu'il y a ces endroits-là qui remontent à l'époque avant les Moghols. On a ce mouvement vers la rivière, on va créer cette ville, et puis on va revenir sans cesse à partir de la ville, on va continuer à faire des espèces de pique-niques, des pèlerinages, des choses comme ça, en revenant sans cesse vers ces endroits les plus anciens. Mais puis, il y a aussi un moment donné, au XVIIIe siècle, quand on a l'impression que la ville devient trop remplie. Il y a trop de monde. Et puis, donc, il y a des gens qui vont chercher, justement, à coloniser, encore une fois, l'extérieur, pour des raisons différentes. Par exemple, on va revenir à cet endroit-là, plus ou moins, pour faire une petite colonie qu'on va appeler Karbala. Karbala, bon, vous devinez tout de suite pourquoi ça s'appelle Karbala, parce que c'est une colonie de chiites. Et c'est qui ces chiites? Ce sont donc les gens qui sont rattachés à Safdarjan, un grand monsieur qui avait, vous voyez ici, le plan fait de son palais à l'intérieur de Delhi par le colonel Gentil. Mais il a choisi d'être enterré dans les alentours de la ville. Donc, on est en train, à partir de la ville, de reprendre un peu les faubourgs pour utiliser les mots de Bernier, de revenir vers les alentours. Donc, pour terminer, juste un dernier développement sur cette question-là, c'est-à-dire, si on ne prend pas la ville toujours en pensant, comme j'ai dit, de haut en bas, en pensant de la ville comme une fonction du sultanat ou du pouvoir du roi, on peut aussi penser à cette ville comme on a pensé à Istanbul, comme on a pensé justement à la Mecque, comme un grand centre intellectuel. Mais avec une particularité, vous voyez que par exemple à la Mecque, au XVIe ou XVIIe siècle, il n'y avait pas de non-musulmans. Tandis que la ville de Delhi est très différente par rapport à ça. Donc, si on commence à faire une liste des grands intellectuels de Delhi, par exemple, j'ai choisi ici le 18e, j'aurais pu choisir le 17e, mais ici c'est le 18e. Donc, vous voyez qu'il y a des grands soufis, comme Shah Waliullah, très connu, Mirza Mazhar Jane Janan, mais il y a aussi des poètes et des mystiques. Celui-ci, Mirza Abdul Qadir Bedil, il est considéré comme, aujourd'hui, comme une espèce de poète national dans le Tadjikistan. Donc, pas seulement il a influencé l'Inde du Nord, il y a des chanteurs afghans à Kaboul aujourd'hui qui sont spécialisés à chanter les poèmes de Bedil. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une espèce de rayonnement assez considérable, même en dehors de l'Inde du Nord. Puis, ces autres poètes qui, eux, vont marquer un peu la transition parce que ce sont des poètes bilingues, qui commencent en persan, mais qui progressivement vont écrire de plus en plus dans une langue qui va devenir la langue préférée de Delhi au XVIIIe, qui est l'ourdou. Donc, qui n'était pas une langue très très répandue au XVIIe, mais que au XVIIIe va devenir une espèce de deuxième langue et finalement, en quelque sorte, la première langue. Et juste pour vous donner un exemple assez particulier du fait que ce n'était pas un monde qui était seulement ou exclusivement au monde musulman. Je vous laisse donc avec ce personnage, un personnage assez extraordinaire, qui s'appelle Anand Ram Mukhlis. Mukhlis, c'est son nom de plume. C'était un courtisan, un homme d'affaires, mais aussi un écrivain, qui a vécu dans la première moitié du XVIIIe siècle. Il était donc le disciple de Bedil. Il était lié avec un certain nombre de personnes, comme le poète Mir Taqi Mir. Et juste pour vous donner une idée de ses activités, donc c'était quelqu'un qui venait du Punjab, de Sodra, d'une famille vishnouite, mais très très liée avec les Moghols. Son père déjà était lié avec les Moghols, et son grand-père Gajpat Rai aussi. Lui, il fonctionnait comme agent d'un grand noble qui s'appelle Qamruddin Khan Etamaduddaula à la cour, mais il est aussi quelqu'un qui a toute une vie en dehors de la cour. Il écrit énormément de textes, des chroniques, des dictionnaires qui sont aussi avec des proverbes, des usages populaires. Et apparemment, il se promenait autour de la ville pour faire la collecte des dialectes, pour voir comment on s'exprimait dans des régions différentes. C'est aussi quelqu'un qui a écrit des romans en poésie, des masnavi. Il a vécu un moment très dur, qui est le moment de deux invasions. Il y a donc l'invasion de 1739 par les Iraniens, et puis il y a l'invasion de 1757 par les Afghans, qu'il décrit dans ce texte-là, la chronique qu'il nous a laissée, Badai Waqai Mohammad Shahi. Mais si vous regardez un peu son réseau, c'est très intéressant. Il est très lié, donc il y a son patron, Kamaruddin Khan, il y a son maître Bedil, qui l'imite dans son style de poésie. Il y a donc son autre maître, Sirajuddin Ali Khan Arzu, un grand poète, mais aussi un grand lexicographe. Mais il est aussi lié avec Raja Jugal Kishore, qui est un homme d'affaires très important, qui vient d'une famille d'origine assez humble, parce que c'était des fabricants d'arak. Il y a d'autres comme Bindraban Das Khoshgo ou Tek Chand Bahar. Ce sont donc des hindous, des écrivains, des grands intellectuels de l'époque, et finalement un poète comme Mir Taqi Mir. Donc, pour conclure, on voit donc dans cette ville une structuration qui est assez complexe. Si on commence donc à partir de la cour, on a une certaine idée du roi, de la cour, des nobles, etc. Si on regarde dans les alentours, on voit que finalement la ville est une ville qui trouve son sens parce qu'il est déjà inséré dans un paysage qui est beaucoup plus ancien, un paysage que tout en étant mort était aussi vivant. Parce que ces morts-là, comme les soufis qui sont morts au XIIIe ou au XIVe siècle, étaient toujours des gens qui étaient dotés d'un certain pouvoir. Il fallait savoir utiliser ce pouvoir, même si on était roi. Et d'ailleurs, il n'est pas une coïncidence que si on regarde ces deux endroits-là, donc c'est vraiment à l'intérieur de la cour du soufi que Mohammed Shah est enterré. Et là, autour de Qutbuddin Bakhtiar Kaki, c'est là où il y a un certain nombre d'autres princes moghols qui ont choisi aussi de faire leur tombeau. Donc, en fin de compte, on a commencé avec ce projet d'une ville, une ville encerclée, une ville très bien définie, mais finalement, la ville, en quelque sorte, a fait la conquête de la région, ou faut-il dire que c'est la région qui a fait la conquête de la ville. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 15 février 2017 le cours de Sanjay Subramaniam, les plaques tournantes de l'histoire globale à l'époque moderne, carrefours et lieux de rencontre, aujourd'hui Delhi. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Sanjay Subramaniam. Il a publié « L'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie 1500-1750 chez Alma en 2016 et chez le même éditeur, je rappelle, « Leçons indiennes, itinéraire d'un historien, Delhi, Lisbonne, Paris, Los Angeles en 2015 ». Un grand merci à Andy Signoret de la bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Sanjay Subramaniam qui nous entraînera dans les villes du nord de l'Europe. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.